Non, pas marqué. وصلنا عند الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة، وهو أصل عظيم من أصول الدين. فهنا هو الثالث fondement de ce livre Al-Mubarak الذي هو الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Donc ce troisième fondement consiste à croire et à mettre en pratique le fait que fait partie de comme on l'a vu dans le fondement précédent, fait partie de l'union qui est obligatoire aux musulmans. Fait partie de ce point le fait d'obéir au gouverneur, le fait d'obéir et d'écouter toute personne qui viendrait à nous diriger, même si cette personne-là est un esclave habashi. Habashi, c'est où, Abdallah? Quel pays habasha? Allah a'lam. Ja'far, Khaddam ya Ali. Khaddam ya Ali. C'est quoi le habasha? Allah a'lam. Asma. Éthiopie. Aina kuntuma antum? Antuma antum. ما ذهبتم معنا؟ ها؟ جعفر وعثمان. كنا ننتظر. وبعدين نريد نعطي لكم الحمد. خير من جعفر. مرة أخرى. ونفرقها إن شاء الله. وقبل أن نواصل عندنا سؤال لأخينا محفوظ. ونحن كيستيون بور نوتر كا محفوظ. يا أخانا محفوظ، avant qu'on rentre dans ce est-ce que par exemple si je dis au sujet de d'un quelqu'un, si je dis au sujet d'un quelqu'un président ou dirigeant que Azalan, je donne un exemple, voilà, lui c'est un président ظالم غاشم وأطعن فيه لكل المسائل. C'est-à-dire, je critique ce président ou ce dirigeant de n'importe quelle manière, avec ma parole. J'insulte, j'évoque ses défauts auprès des gens. هل هذا ماذا؟ هل هذا جائز؟ Est-ce que c'est permis? C'est pas permis, hein? Ahsan. Ahsan. Donc c'est ça qu'on va voir. Allez, c'est pas permis. Donc c'est ça, Inch'Allah, qu'on va voir aujourd'hui. Ce point qui concerne les dirigeants et le droit qu'ils ont sur tout un chacun parmi les croyants. Hier, subhanallah, les frères qui sont sortis avec nous, Da'wa et Ba'd al-Manatif, on a tous profité d'un rappel que nous a fait un des frères de là-bas. Et parmi les bonnes paroles qu'il nous a dit, il nous a évoqué que les dirigeants, les hukam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié certaines adorations à eux. Qui c'est qui peut nous évoquer les adorations qui sont liées au gouverneur, avec la présence du gouverneur, avec son accord? Ah, man, t'as quand même de la chèque, t'as à cela. Ah, ben, Ah, flamme, alors. نعم نعم الذي لك نحن ما سنذكره لكن سمعتمه زي ما قلت لك سكينة نوكي نعم ça c'est en lien avec le gouverneur نعم يا صاحبي ça c'est en lien avec le gouverneur ça veut dire cette adoration elle ne peut pas être faite si ce n'est avec l'accord du dirigeant. Encore quoi comme adoration ? Appliquer les lois d'Allah. Appliquer n'am el hudud. Les hudud. C'est qui a le droit de punir le fornicateur qui est marié en le lapidant ? C'est qui décide de ça ? C'est le gouverneur. C'est pas le commun des gens. N'am ? Quoi ? Pour la zakat aussi. C'est lui qui ordonne de récupérer la zakat, par exemple, de ceux qui ne la donnent pas. Il leur donne par force. C'est lui qui yan'aqid al-hajj. C'est lui, hein, c'est l'émir, normalement, qui fait l'appel ou qui annonce la venue du hajj. C'est lui qui fait la prière de l'Idéine, normalement. C'est lui aussi qui fait la prière de Salawat al-Eid. Et pourquoi vous comprenez que le dirigeant musulman, il a un haq adim. Il a un haq adim. L'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, il disait le fait d'être sous la tutelle d'un dirigeant injuste pendant 40 ans, c'est meilleur que passer une nuit sans avoir de dirigeant. C'est-à-dire, soit à cause des troubles dans le pays qui auraient amené à ce que le président quitte ou le chef du pays quitte sa position. Vous voyez ? Donc il dit « فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا ثم صار هذا الأصل لا يعرف أو لا يعرف عند كثير من من يدعي العلم فكيف العمل به؟ Donc ça c'est un أصل qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énormément expliqué dans son Coran ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Mais au temps de l'imam Ahmed, il dit que ce fondement là il est devenu, il a été ignoré par un grand nombre de gens. Et plus particulièrement chez des gens qui prétendent avoir la science. Chez les savants de son époque, bon nombre de gens, ils ont ignoré ce asr, cette base. Donc bon nombre de gens, parmi les savants, parmi les gens de science de son époque, ils croyaient qu'ils pouvaient ou qu'ils avaient le droit de sortir contre ou de désobéir au gouverneur. Non. فهذا أصل أيضا من أصول فهذا أصل من أصول أهل السنة لا يخالفه إلا ضال مضل واجتمعت عامة الفرق في مخالفة هذا الأصل. Et ça c'est une faïda. Ça prenez là comme tel. C'est que toutes les sectes, elles sont toutes unanimes sur le fait de contredire ce asr. C'est-à-dire toutes les sectes, même aujourd'hui, vous allez voir peut-être le Jama'at Tablir, ou la Soufiya, les Soufis, ou n'importe quelle, l'Ahmadiyya, toutes les sectes que vous connaissez, elles contredisent tous les gens de la Sunna sur ce point-là. Ça veut dire que pour elles, c'est permis de sortir sur le gouverneur, par la langue, ou par les écrits, ou par l'épée. C'est-à-dire par le khuruj al-hissi, le fait de réellement sortir contre le gouverneur pour le chasser de son poste. Na'am. Tayyib, wa awwaluha tayyib. Wa awwaluha, donc la première des sectes qui est apparue en islam, c'est laquelle, Karim? Khawarij. Al-Khawarij. C'est la première des sectes qui est apparue en islam. Donc c'est cette secte-là qui est la première à contredire ce fondement parmi les fondements de la religion. Al-Khawarij. Al-Khawarij, comme on va le voir, ils sont. C'est plusieurs branches. C'est plusieurs branches. Et rentrent dans le Khawarij. Al-Ikhwan al-Muslimin. Ce qu'on appelle l'Ikhwan, les frères musulmans. Pareil, c'est une des sectes c'est une des branches de ce qu'on appelle l'Al-Khawarij. Et après, on va voir pourquoi. طيب فالخوارج هم الذين يكفرون الناس لوقوعهم في بعض الكبائر التي دون الشرك والكفر ويخرجون عن طاعة السلطان المسلم. Donc les خوارج, ce sont ceux qui rendent mécréants les gens pour des œuvres qui ne sont pas de la mécréance en soi. Par exemple, il va entendre que tel il écoute de la musique. Il dira ah, d'accord. Lui, il écoute de la musique, ça c'est un kafir. Non, la musique, le fait d'écouter la musique, c'est un grand péché, mais ça ne fait pas sortir d'islam. Pareil pour celui qui fornique ou celui qui vole. Eux, chez eux, non. Ah, là, kufr. Non. Ceci, chez eux, est considéré comme du kufr, alors que cela ne l'est pas. Pareil. Et aussi, parmi leurs croyances, eux, ils voient qu'ils ont le droit de sortir contre le gouverneur. Contre le gouverneur musulman. Qui est musulman. ويخرجون عليه بالسيف ويدعون الناس الى القتال. الى قتال السلطان. وهذا يسمى الخوارج بالبيان. الخوارج بالبيان. ومنهم القعدية. Al-Qa'diyya. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Il y a une certaine secte des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'diyya. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom-là, Riyad? Non? Masamir, hein? C'est ça qui est là. Sahih? Masamir? Taïb. Hein, tu es Mohamed? Tu n'as jamais entendu ça, hein? Taïb. طيب اسمع ماذا محفوظ تجمع طول إذا لفاك سنصبت يا إخوان نظر ما عندهم أي حجة بس كل فخير كي نزا بغلي كي نزا دنيس خفل كي نزا يبوكي القاعدية نزا دينا القاعدية سي une des sectes, une des branches. Certains savants disent que c'est la pire des branches parmi la secte des Khawarij. Pourquoi? Comme on va voir, c'est une secte qui, eux, ont la croyance qu'il est permis de sortir contre le gouverneur, laquelle, eux, ils ne le font pas avec l'épée. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, eux, ils ne vont pas venir avec en manifestant... non. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont monter sur les manabes, sur les mimbas, ils vont faire des sermons pendant le jour du Jumu'ah ou autre, et ils vont essayer de sortir contre le gouverneur avec un homme. Appeler les gens. Voilà, appeler les gens à sortir contre le gouverneur avec un homme. Ils vont pas les appeler directement, mais par exemple, ils vont remplir la poitrine. Des gens qui vont la remplir de haine contre les gouverneurs. Et ça, c'est l'une des pires des sectes des Khawarij. Pourquoi? Parce que eux, c'est comme s'ils introduisent un poison dans le cœur des gens pour qu'après les gens ils s'empressent à sortir contre le gouverneur. Non. Donc ça, il faut que vous le preniez comme qa'ida. Ça, c'est une règle. Là, il ne faut pas s'en éloigner. Les gens de la sunna, Ils évoquent pas. Et quand je dis ça, c'est vraiment pour vous dire que vous allez même trouver des toulabs qui ont appris, que c'est des gens de la sunna et tout. Mais des fois, ils peuvent avoir des manquements dans cela. Le fait de critiquer le gouverneur, hein, le fait de critiquer le gouverneur en public, c'est pas, ça ne fait pas partie de la voix des gens de la sunna. Ça ne fait pas partie de la voix des gens de la sunna. Pourquoi? Parce que ça peut susciter de l'engouement chez les auditeurs qui peut provoquer ensuite une manifestation ou une rébellion de la population contre le gouverneur. Et critiquer le gouverneur d'un autre pays, pas de son pays. S'il est musulman, ça c'est le même khabar. Si c'est un gouverneur musulman, ça va kadale. Comme il y a un frère, il nous a évoqué Ams, le roi du Maroc. Fahimtum. يعني même si c'est pas يعني même si on n'est pas dans le même pays lui نحنو نعتبره حاكم من حكام المسلمين. Donc lui on considère que c'est un gouverneur parmi les gouverneurs musulmans, il a un haq azim. Donc on s'efforce de respecter ce droit là et il faut savoir que la munasahat al-hukam, le fait de conseiller les hukam, c'est une grande adoration. C'est une très très grande adoration. Pourquoi? Parce qu'en général, les hukam, c'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le kibr. Il les a éprouvés du kibr. C'est des gens, c'est pas facile, ils acceptent la vérité. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la force. Ça veut dire, quand toi tu vas venir, tu vas leur donner un nasiha, en général, c'est des gens qui peuvent te faire très rapidement du tort. Le fait que tu viennes leur donner un conseil, le fait que tu viennes leur donner un conseil, c'est risqué. C'est risqué. Donc ça montre la sincérité. Donc ça montre la sincérité de la personne. Et donc les gens de la sunna, ils ont pour habitude, s'ils doivent conseiller le hakim, d'y aller eux-mêmes et de faire en sorte que ça reste un secret. Donc ils conseillent le gouverneur en cachette et en plus ils font en sorte que ça reste entre eux et le gouverneur. Parce que les gouverneurs ne sont pas dans le même monde que les gens. Eux ils sont dans l'omnipotence, eux ils sont dans la richesse, eux ils sont dans le pouvoir. Et ça c'est un autre monde. C'est des gens que si, par exemple, leur orgueil prend le dessus sur eux, ils peuvent très vite verser le sang de nombreuses personnes. À la plus légale, donc l'une des pires des sectes, des Khawarij, c'est la secte qu'on appelle Al-Qa'diyya. وهم الذين يخرجون عن طاعة السلطان بالكلمة. Donc Al-Qa'diyya, ce sont ceux qui sortent de l'obéissance du gouverneur par la parole. طيب, aujourd'hui si quelqu'un il vient sur le minbar et il dit par exemple il vient, il parle des gouverneurs ou du gouverneur d'Arabie Saoudite. Tamam? Ou de n'importe quel pays musulman. ويطعن فيه. Il dit هذا, il s'associe avec les Yahouz, wahada, ilah. Est-ce que lui là, il a commis les œuvres des Khawarij? Est-ce que lui, on peut dire qu'il a fait une œuvre de Khariji? Est-ce qu'il a fait une œuvre de. Ah, musulman? Non. Hein? Non. Non. Non. Non. Non. Faire une œuvre de Khawarij, je ne peux pas dire que c'est un Khariji. Elle a fait une œuvre. Non. Après, pour dire que c'est un Khariji, ça c'est encore un autre message. Non. Mais il a fait une œuvre de Khariji. Non. Non. Non. Juste avec cette parole-là, il est en concordance avec les Khawarij. Donc les gens de la Sunna, ils ne parlent pas comme ça. Non. Mais ils donnent le haq des gouverneurs et ils s'abstiennent de parler en mal devant les gens. Non. طيب ف وانما يؤلبون جمهور الناس على السلطان فهم الذين يهيجون الناس ويزرعون الاحقاد في قلوبهم على ولاة الامر ويذكرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله باسم تغيير المنكر Voilà, fi'lan. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils disent, ouais, quand ils critiquent les gouverneurs, eux, ils vont pas vous dire, ouais, ça c'est du khuruj. Ils vont pas vous montrer qu'ils sortent sur le gouverneur. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, non, nous là, c'est un conseil. On veut changer le munkar. On veut changer, ordonner le bien et interdire le mal. Alors que ça, c'est comme Iblis lorsqu'il dit à Adam qu'il est pour eux un conseiller. C'est ça, c'est un mensonge évident et c'est fait, et ça consiste à changer la vérité en mensonge. Voyez, il y a un affaire à l'imam Ahmed. وعن عبد الله بن محمد الصعيف وهو أحد من السلف أحد الأئمة في زمن الإمام أحمد يدي on lui a demandé au sujet des يعني quelle est la pire des sectes parmi les khawarij. Il a dit Al-Qa'diyya. En fait, pourquoi? Parce que eux, c'est des gens, ils vont parler c'est-à-dire aux gens, mais ils vont rien faire. C'est-à-dire eux, ils sont pires encore, parce qu'ils ne peuvent pas affronter le gouverneur, mais ils veulent ambiancer les gens à cela. Non. Là, ils vont prendre vite fait, Inch'Allah, quelques sifat. Sifat ou le khawarij? Quelles sont les caractéristiques qu'a évoqué le Coran ainsi que la Sunna sur les qui concernent les khawarij? Comment sont-ils les khawarij? Comment tu les reconnais les khawarij? Taïb. Qala sallallahu alayhi wa sallam yahqiru ahadakum salatuhu ma'a salatihim wa siyamuhu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Donc ça, dans ce hadith-là, il y a déjà des caractéristiques des khawarij. Première caractéristique dans ce hadith, il dit que leur prière, face à la prière des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voyez la prière qu'ils vont faire, vous aurez honte de vos prières. Tellement c'est des adorateurs. C'est les khawarij. Tellement c'est des adorateurs. Ça veut dire, lui, le sahabi, peut-être il va faire un huître en quelques minutes, ou le khariji va faire un huître de toute une nuit. Hein? Ça, c'est le ma'na kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça vous montre encore quoi, Yahya? Qu'il ne faut pas être trompé par les apparences. Il ne faut pas être trompé par les apparences. Naam. Que chacun d'entre nous ne soit pas trompé par les apparences et que chacun d'entre nous yani, purifie ce qu'il a dans son cœur et qu'il ne croit pas yani, que le paradis c'est une chose d'acquis. Non, il purifie ce qu'il a dans son cœur. Ya'mal bima ja'a 'anillah wa 'an rasulih, et il œuvre en fonction de ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Andro ila Abi Bakr. Abi Bakr ibn Siddiq, hein, qui est le meilleur homme de toute la communauté. Certains salafs disaient ma fudila Abu Bakr ala baqiyat as-sahaba. Abu Bakr n'a pas été préféré à tous les autres sahaba li kathir min fala ou siyam. Il n'a pas été préféré à la plupart des autres compagnons parce qu'il faisait beaucoup de salat ou parce qu'il faisait beaucoup de jeûne. Mais pourquoi? Pour une chose qui est tombée dans son cœur. Pour une chose qui était dans son cœur. Et ça concerne tous les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il a regardé dans les cœurs de la création. Et il a vu que les meilleurs des cœurs, ça c'est un hadith. Sahih, rawahu Muslim. Il a regardé que les meilleurs des cœurs sont les cœurs des anbiya, des prophètes. Et il a choisi parmi ces cœurs-là le cœur de Mohammed. Et ensuite, il a regardé dans les meilleurs des cœurs après ceux des prophètes. Et il a vu que les meilleurs des cœurs sont ceux des sahabes. Naam. Ça veut dire, l'insan, la ya'jib bi'amalih. Il ne faut pas qu'il soit impressionné par ses œuvres. Naam. Fa'inna al-ibra bima fi al-qulub. Parce que ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Naam. Donc ça, c'est les khawarij. Leur prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la prière de l'un d'entre vous est honteuse comparée à leur prière. Et pareil, le jeûne de l'un d'entre vous, il est honteux comparé à leur jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des adorateurs. D'apparence, c'est des adorateurs. Et ensuite, lorsqu'il dit, yaqra'u al-Qur'an. Quand ils disent Yaqra'u al-Qur'an, certains musulmans nous expliquent que c'est des gens qui vont connaître les qira'at. Les qira'at du Qur'an. Et ma'al asaf al-shadid, surtout dans notre époque là. Vous pouvez compter sur les doigts de la main les savants de la sunna qui sont experts dans les lectures du Qur'an. Mais par contre, les gens de l'innovation, que ce soit des Ikhwanes muslimines, que ce soit des soufis, ou que ce soit tout autre, vous allez trouver que chez eux, ils ont énormément de Qur'an. Ils ont énormément de spécialistes dans la lecture du Qur'an. Donc, lorsque tu connais ce hadith-là, tu n'es pas étonné. C'est la tradition d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme ça. Non. Donc malgré tout, c'est-à-dire ils lisent très très bien le Coran, ils ont une très très belle voix, ils ont un tajwid énorme. Non. Lakin, malgré tout, ce Coran qu'ils lisent, ils ne dépassent pas leur gorge. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ils ne méditent pas ce Coran. Et ils ne le mettent pas en pratique. Laysa al-ilmu ma hufid, innama al-ilmu ma umila bih. C'est qui disait par Allah? C'est pas la science. La science n'est pas celle qui est mémorisée. Mais c'est celle qui est mise en pratique. Ah, Abdurrahman, man. Al-Imam Shafi. Al-Imam Shafi. Jazakallah ta'ala bien. Donc, dans ce hadith-là, vous avez trois sifats. Faïd. Wasu'ila anhum. Et le prophète Zazem a été questionné sur eux. C'est-à-dire sur leur respect, comment sont-ils. Faqila lahu ma simahum. On a demandé au prophète comment sont-ils, quel est leur signe distinctif. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha hadithun rawahu al-Bukhari. Ça c'est un hadith que Al-Bukhari a rapporté. Qala at-tahliq ou qala at-tasbih. At-tasbih. Il a dit, parmi leurs signes, soit Al-Tahliq. Al-Tahliq, ma ou Jamal? Boule à zéro. Hein? Boule à zéro. La boule à zéro, le fait de tout raser les cheveux à blanc. Donc, ça, c'est un des signes parmi les signes des Khawal. Taïb, lorsqu'on dit raser les cheveux à blanc, donc ça veut dire là, c'est interdit, Yaria? C'est pas interdit, hein? Halal, hein? Allez, voilà. Il y a une neige et donc là, c'est quoi le. Comment. Parce que le prophète, c'est là. Il dit que ça fait partie de leur signe. C'est pas signe, c'est combiné avec le reste. C'est qu'un signe. Là, il ne s'appelle pas avec le reste. Celui qui. Le prophète, c'est là, il dit celui qui s'apparente à un peuple, il fait partie d'eux. Donc on se doit de se désavouer, de ressembler à un quelconque peuple qui encourt la colère d'Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج انهم كلاب النار البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول في موضوع الخوارج que ce sont les chiens de l'enfer. نعم اذا ما هو با للمحتمل لحجاج الجبل ايوه شوفوا الان ce qu'il a évoqué Riyad c'est très pertinent parce qu'il dit طيب, alors, qu'est-ce qu'on fait si c'est interdit de faire la boule à zéro, qu'est-ce qu'on fait des mu'tamirines? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui font la umrah ou de ceux qui font le hajj. Jazakallahu khairan. Le but visé du hadith, en fait, simahum tahrir, c'est-à-dire que eux, dès qu'il y a le moindre poil qui pousse, khalas. Eux, c'est leur habitude. C'est-à-dire, ils sont tous les jours boule à zéro. Et c'est pourquoi, le fait de toujours faire la boule à zéro, toujours, ça, c'est makruh. Inda kathirin min al-ulama, bal ba'dahum haram. Certains, ils ont interdit ça. Certains, ils ont dit, c'est makro, c'est détestable. Et fi'lan, c'est détestable. Omar ibn Khattab, lorsqu'il a attrapé Soubeir, l'homme qui propageait des mutashabihat bayna nas. Omar, il a entendu qu'un homme, il propageait des ambiguïtés au milieu de la population. Il l'a cherché. Il a demandé à ce qu'on le trouve. Une fois qu'il l'a trouvé, il l'a enfermé et il l'a fouetté avec avec son bâton. Quand il l'a frappé, hein, il lui a enlevé sa capuche et lui a dit, si je t'aurais trouvé chaud seulement, je t'aurais tué. Parce que si je t'aurais trouvé chaud, ça veut dire que toi tu fais partie de Khawarij. Khalas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si je l'ai, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la in adraftuhum la uqatilannahum qatl adin wa thamud. Si j'atteins leur période ou leur époque, l'époque où ils vont surgir, les Khawarij, et ils ont surgi à quelle époque? C'est à l'époque de quel grand calife? Asman. Donc le prophète a dit, si j'atteins leur époque, certes j'allais les combattre comme l'on combat le peuple des Ad au Tamoud. Donc Omar, quand il a chopé Soubeir, il a déjà voulu voir est-ce qu'il est chauve. S'il est chauve, il le tue. Donc ça montre que le fait de constamment faire la poule à zéro, c'est makro. C'est parce que c'est un des attributs des Khawarij. Inch'Allah, on s'excuse pour le retard. Allah al-musta'an. Ma'i safar, radan, wa kuna fi safar am. واليوم كنت في مجهز السفر فاعتذر donc je m'excuse parce que je suis arrivé très très en retard aujourd'hui parce que inchallah demain j'ai un voyage à faire donc je vous demande de bien vouloir m'excuser pour ce grand retard mais inchallah le cours prochain inchallah on va terminer ce dars. Et on va continuer dans ce livre très important à étudier. C'est un livre qui est très très important à étudier. Que même les personnes âgées, même les plus jeunes personnes, en vérité, il peut se passer de ce genre de fawaid. Il peut se passer de ce genre de leçons et de ce genre de cours. Non. Il y a un hadadine. Hadadine. L'insan idha masha hayatahu alayhi fariha wa faza wa najah. Celui qui reste sur son din, sur les bases de son, sur les fondements de sa religion, il sera toujours heureux. Et il sera toujours dans une réussite. Naam. Tandis que celui qui marche, il ne sait même pas s'il est en contradiction ou s'il est en accord avec sa religion, voilà. Regardez le printemps arabe. Combien de gens vous croyez qu'ils ont appliqué le. Ils ont appliqué leur religion. Dans ce pays, ils sont sortis, je ne sais pas combien de personnes, Mouzaharat, Wafoullah, Wahasal Mahasal, Wafisouria, Hasal Mahasal, Wal-Yaman, Hasal Mahasal, Wal-Al-Al, Mazal, Damar. Fais faïda t'il khurouj ala al-hukam? Mahdi. Mukhalafa, les kitab illa. Fal-Yahdaru al-Ladina yukhalifuna an amri, an tusibuhum fitnatun, ou yusibuhum adabun adib. ونكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وبركاته